Chapitre 16e de Lettres. Avant que l'aube succédât aux ténèbres de la nuit, l'hôte de Sir Gaspard était mort, et Laurent trouva Sir Gaspard et son locataire enfermés ensemble dans le salon jaune, où l'éclat des peintures et du bric-à-brac paraissait terne à la lumière des bougies expirantes. Pierre Point avait raconté à son propriétaire l'histoire de sa vie d'homme marié. Il lui avait dépeint le caractère de la femme, alors abritée sous son toit. « Je vous ai prémuni contre cette personne avant tout ceci, Sir Gaspard, » dit Godfrey, lorsqu'il eut terminé l'histoire de la perfidie de Leonora Fane. « Vous l'avez fait, » répondit le baronnet, avec un geste suppliant, « et j'ai négligé votre avertissement. Et maintenant vous me mettez sur des charbons ardents, en m'avertissant pour la seconde fois, de me préserver des suites de mon propre enivrement. » « Mon cher Pierrepoint, vous ne savez point quel idiot en démence j'ai été. J'allais épouser cette femme. Oui, j'étais décidé à faire le grand saut et à gober tout ce qu'il lui aurait pu d'inventer pour moi sur ses antécédents. Je savais qu'elle n'était pas particulièrement une bonne femme, et vous le savez, personne ne peut-il espérer qu'une aussi brillante créature soit particulièrement bonne. Mais je l'aimais, elle m'était agréable. » Et vous conviendrez que, sous le rapport des modes, elle était irréprochable. Les bonnes femmes négligent souvent leur parure. Elles ne suivent pas les préceptes de messieurs de Goncourt, et oublient qu'une irréprochable créature est encore plus adorable quand elle possède un léger parfum de lorette. Cependant, je ne dois pas oublier de vous remercier de m'avoir averti. La brillante veuve recevra son congé. Je la regretterai. Oui, j'avoue que je la regretterai. Mais j'écris à M. Woods de s'enquérir, s'il n'y a pas quelque chose de Rubens ou d'Etty revenu sur le marché. Et s'il en était ainsi, je courrais chez Christie, et je l'achèterai. Et en même temps, la veuve partira. Mais Mme Harding, autrement dit Mme Fane, n'attendit pas le congé de Sir Gaspard. Quand Hill servit le déjeuner du baronnet à 2 heures de l'après-midi qui suivit la mort de Holroyd, il apporta sur le plateau un petit billet élégant, sentant le patchouli qu'il plaça sur la table qui était près du lit de son maître. Le baronnet reconnut l'écriture hardie de la veuve. Sa main n'avait pas tremblé, quoique sa lettre eût été écrite immédiatement après que Leonora Fane eut appris qu'Arthur Holroyd et Godfrey Pierrepoint étaient renfermés ensemble. Le baronnet soupira tristement après avoir lu le billet qui contenait ceci. « Cher Sir Gaspard, une lettre que j'ai reçue tard dans l'après-midi me force de retourner à la ville près de la chère amie malade dont vous avez déjà entendu parler. Je crains que la chère amie ne soit qu'une élégante Madame Harris, pensa tristement le baronnet. Quel dommage qu'une femme qui a de tels contours ne soit pas l'espèce de personne qu'un gentleman puisse épouser. Cette fois, continua la lettre, je crains que le cas ne soit réellement sérieux et j'ai décidé de quitter Roxborough par le premier train, quoique en faisant ainsi, je perde toute occasion de vous dire adieu et de vous remercier de vive voix de toutes vos bontés. Combien cette bonté me sera chère lorsque j'aurai quitté Scarsdale et que je serai loin de vous. J'ose à peine m'épancher en vous écrivant, car mon cœur est très, très triste, cher Sir Gaspard, et quelque chose me dit que notre séparation sera peut-être très longue. « Des pleurs, » murmura le baronnet en examinant quelques taches pâles sur le papier. « Et quand même, les larmes sont très faciles à produire, et je suis trop habitué aux ruses des marchands de tableaux pour me laisser prendre à ces sortes de choses. » Il continua à lire la lettre. « Adieu donc, Sir Gaspard. Je quitte cette chère demeure avec un sombre pressentiment de chagrin à venir. J'ai des ennemis dont je m'efforcerai en vain d'expliquer les machinations. » Il est mieux peut-être que je reste dans l'ombre ténébreuse qu'ils ont étendue autour de moi. J'écris avec trouble. Je n'ose pas lire ce que j'écris. Je vous prie de ne croire aucun bien de moi, Sir Gaspard, excepté que votre souvenir, et celui de tout ce que vous avez fait pour moi, seront les trésors les plus chers de mon cœur. Toujours votre reconnaissante et fidèle, Blanche Harding. P.S. Une lettre adressée comme autrefois à Maida Hill me parviendra toujours. J'ai laissé mon bagage pour qu'on l'envoie au Pantechnikon, dans l'incertitude de ce que je deviendrai pour le moment. Quelle étonnante femme, pensa le baronnet. Dans toute sa lettre, il n'y a pas un mot qui puisse la compromettre ni la faire accuser de mal ou d'indifférence. Il me rappelle que je la trouverai toujours à son ancienne adresse. Circé enchanteresse, si j'étais un homme faible, cette lettre me rendrait fou. Quoi qu'il en soit, eh bien non. Je ne dois jamais me hasarder dans le voisinage de Maida Hill. Une autre lettre fut remise à l'abbaye de Scarsdale ce même matin, une lettre que l'une des servantes apporta dans la chambre de Mademoiselle Denison, longtemps avant que le domestique particulier de Sir Gaspard osa troubler le sommeil de Sybarit de son maître. Le cœur de Marcia tressaillit en reconnaissant l'écriture de Godfrey. Elle ne savait rien sur la nature de l'entrevue qui avait eu lieu entre Godfrey et l'homme qui était étendu mort dans la chambre au-dessus. Elle savait seulement qu'ils étaient restés enfermés ensemble pendant plus d'une heure et qu'ils s'étaient réconciliés. « Sa lettre d'adieu, » pensa-t-elle tristement en déchirant l'enveloppe. Mais ce n'était pas une lettre d'adieu. C'était la lettre d'un amant écrite avec toute la liberté d'une main qui ne craint pas de trahir les secrets du cœur de celui qui la guide. « Ma bien-aimée, » écrivait Godfrey Pierrepoint, « j'ose vous appeler ainsi maintenant. J'ose vous donner les noms les plus tendres et les plus doux, car vous êtes la seule créature au monde. Qu'ayez le droit de m'ordonner d'obtenir votre main. Oh, Marcia, ma plume, dans la joie, peut à peine courir sur le papier. » Tant mes mouvements sont désordonnés en vous écrivant ce soir. Mais l'ombre de la mort est si près de moi que je dois m'attrister un peu sous son influence solennelle. Mon amour, ma bien-aimée, qui sera ma précieuse femme dans les bienheureux jours à venir. La barrière qui nous séparait, vous et moi, n'est plus qu'une vaine ombre. Lorsque je m'imaginais que j'étais séparé de vous par un infranchissable abîme, je n'étais que la dupe d'une honteuse conspiration. J'étais libre, ma bien chère, lorsque pour la première fois j'ai regardé votre douce figure, la première fois que je vous ai vue au chaud rayon de la clarté du feu et que j'ai entendu le frottement de votre robe. Dans le charmant murmure de votre soie, comme un ange dont les ailes frémissent. J'étais libre, Marcia. J'aurais pu tomber à vos genoux à la clarté du feu par cette soirée d'automne, pour vous supplier d'être ma femme, au lieu d'être fou, féroce et désespéré comme je l'ai été. Je ne suppose pas que je sois devenu amoureux de vous alors, quoique je ne puisse me rappeler un temps où je ne vous ai pas aimé. Je ne retourne pas à Saint-Pétersbourg. Les steppes de la Sibérie, le Caucase, la mort et la muraille de Chine peuvent s'engloutir dans un tremblement de terre sans que je m'intéresse personnellement à leur conservation. Je vais au nord, mais pas plus loin que Pierrepoint, où il y a un vieux château en ruine qui doit être réparé pour une jeune et belle châtelaine. Ah, quel bonheur d'y mettre les décorateurs et les tapissiers et de crier « Point de quartier aux papillons et à la poussière !» Quel bonheur de préparer un charmant nid pour ma colombe. Quelle joie inexprimable de commencer une nouvelle existence dans l'endroit où mon nom signifie honneur et loyauté, et de savoir que nul fantôme de mon ancienne vie ne s'élèvera pour obscurcir ma félicité. Je ne puis dire ce que je ferai pendant les semaines qui vont suivre. Il me sera bien difficile de rester loin de Scarsdale. Mais j'ai toute une nouvelle vie à organiser. Oh, Marcia, c'est comme une résurrection du tombeau. Dans tous les cas, je ne reviendrai pas près de l'abbaye jusqu'à ce que le malheureux homme soit descendu paisiblement dans sa tombe. Il est mort sans amis et si abandonné, que les docteurs que votre père a payés suivront seuls son convoi. À moins en vérité que le colonel Slingsby ne s'inquiète de payer un dernier et triste tribut d'amitié à un joyeux compagnon. Je suis certain que vous serez bien aise de savoir qu'il est mort en paix et que j'ai eu la force de lui pardonner tout le mal qu'il m'a fait aussi sincèrement que je désire que mes propres erreurs me soient pardonnées. Et maintenant, adieu, ma bien-aimée. Et cet adieu n'est pas un triste adieu, mais seulement un joli petit mot qui veut dire un court bonsoir. Je vous écrirai demain de Pierrepoint. Soyez assez bonne pour m'envoyer quelques lignes à ce château pour me dire que vous n'avez pas trop souffert de la catastrophe qui a amené la tristesse et la mort dans votre maison. Quelques lignes de la main que j'aime me sembleront un gage du futur bonheur qui me paraît une chose si belle que je tremble qu'elle soit une vision trop charmante et trop heureuse, pour ne jamais être plus substantielle qu'un rêve. J'ai raconté mon histoire à votre père, et j'ai ses meilleurs souhaits pour la réussite de mes projets. Aussi, j'ose signer votre fidèle adorateur, Godfrey.